sur le tard, le long d'un gros à l'écart, cherchant des piquants éperdus dans ce beau joli. Tout en traversant le ruisseau, j'en ai visé une. Je tenais mon fusil bandé tout prêt à la tirer. J'entends la voix de mon chien, chasseur, c'est le vrai soutien. J'avançais, je criais tout haut à travers le ruisseau. En vous voyant, ma belle enfant si souillette, je vous serai de grand soutien, je vous ferai du bien. Rassurez-moi, je vous en prie, garde peur, je suis saisi. Je me suis laissé enluiter, je me suis égaré. Allons, montrez-moi le chemin de mon beau village. Car ça vaut mon bon monsieur, je mourrai sur les lieux. Ma belle, donnez-moi la main, votre chemin n'est pas loin. Je peux vous rendre ce plaisir, j'en ai le loisir. Mais avant de nous quitter, charmante mignonne, permettez-moi si vous voulez de prendre un doux baiser. Permettez-moi si vous voulez de prendre un doux baiser.